Chapitre 9. Le sacrifice de Rose. Comme l'avait prédit le prince charmant, les divertissements ne manquèrent pas dans l'île des Campbell. Du matin au soir, la journée du lendemain fut un long éclat de rire. Il y eut d'abord un déjeuner matinal, suivi d'une partie de pêche, puis un bain général, pendant lequel la tribu des homards se couvrit de gloire et où elle se serait attardée indéfiniment à la confection du chowder qui réclamait leur présence. Madame Jessie et son petit Jamie restaient prudemment auprès du rivage. Mais l'oncle Alec était un nageur émérite s'il en fut jamais, les garçons rivalisaient de tour de force et Rose apprit à faire la planche, non sans boire un peu plus d'eau de mer qu'elle ne l'eût souhaité. La petite fille semblait prendre part à tous ces jeux avec une sorte d'avidité, comme si elle craignait de perdre la moindre parcelle de cette journée de bonheur. On eût dit qu'elle oubliait qu'elle avait encore devant elle un troisième jour semblable. Il va sans dire que le chowder, fabriqué par tant de cordons bleus, fut exquis. Aussi en absorba-t-on une quantité fabuleuse sans préjudice des viandes froides apportées par Madame Campbell. Après quoi, on déclara à l'unanimité qu'il ne serait pas mal vu de faire la sieste. Chacun se retira soit sous les tentes, soit à l'ombre des grands arbres, et pendant plus d'une heure, l'île, si bruyante auparavant, reprit son calme habituel. Ensuite, on se remit à jouer avec plus d'ardeur que jamais. La grotte contenait des arcs et des carquois, des fleurets, des sabres rouillés et des fusils cassés. Enfin, tout ce qu'il fallait pour donner à Rose une représentation à laquelle elle assista, blottie dans le creux d'un vieil arbre tapissé de mousse, avec Jamie à côté d'elle pour lui expliquer les scènes, ce qui, soit dit en passant, n'était pas inutile. Les acteurs jouaient avec autant d'énergie que de naturel. Par moments, c'était même effrayant. Ce ne fut pas sans frémir que Rose vit les indigènes de l'île d'Aohie massacrer le capitaine Cook. Elle rit de tout son cœur en voyant représenter les aventures merveilleuses de Sinbad le marin. Elle regarda avec le plus vif intérêt les scènes pathétiques de la vie du capitaine Kidd. Ce célèbre chef de brigand cachait le fruit de ses rapines dans la casserole qui avait servi à faire cuire le chowder. Il se vengeait de deux traîtres qu'il avait trahis en leur faisant mordre la poussière d'un seul coup de feu, et enfin il expiait ses nombreux crimes par un bannissement bien mérité sur une île déserte. Le spectacle fut clos par un grand ballet exécuté par les naturels d'Otaïti. Aux hurlements que poussèrent ces derniers, les mouettes du voisinage s'envolèrent à tire-d'aile, et l'oncle Alec vint savoir ce qui se passait. Rose riait à se tordre, et elle avait si bien épuisé ses termes d'admiration qu'elle ne trouvait plus de mots assez expressifs pour remercier ses cousins. Un nouveau plongeon dans la mer, au moment où le soleil disparaissait à l'horizon, une partie de bar pour faire la réaction, un souper aussi animé que l'avait été le dîner, une soirée gaiement passée sur les rochers en vue du port où, à la clarté de la lune, on distinguait les formes vagues des navires, et la seconde journée de campement se termina pour Rose comme un beau rêve. Avant d'aller se coucher, elle s'approcha du chef du clan. « Archie, lui dit-elle à voix basse, est-ce une illusion de ma part? J'ai ouï dire que vous alliez demain au manoir pour chercher du lait et je ne sais plus quoi encore. Vous ne vous trompez pas, cousine, nous partirons de grand matin, Charlie et moi, afin d'être plus vite revenus. « Laissez-moi aller avec vous, je vous en prie, » s'écria Rose. Vous savez que l'oncle Alec m'a pour ainsi dire enlevé de force, et j'ai une affaire importante à arranger là-bas. Tant que vous voudrez, ma cousine, Charlie sera aussi charmé que moi de vous avoir pour compagne. C'est évident, fit Charlie. Eh bien, continua Rose, promettez-moi tous les deux de n'en souffler mot à personne. Comptez sur notre silence. Bien sûr, insista la petite fille d'un air solennel. Par la lune qui nous éclaire et par les étoiles qui brillent au firmament, nous le jurons, dirent ensemble les deux cousins. Chut, pas tant de bruit, fit Rose en s'éloignant. Quelle singulière petite créature, s'écria Archie à demi-voix. C'est une bonne petite fille, répondit Charlie d'un ton protecteur. Rose avait l'oreille fine, elle entendit ces deux réflexions. Ah, c'est ainsi que vous me traitez, se dit-elle avec indignation. Une petite fille. En vérité, à vous entendre, on croirait que je sors de nourrice. Je vous prouverai demain que je ne suis plus une enfant. » Le lendemain, le lever de l'aurore fut salué par un coup de canon venant de la ville de Newport, qui célébrait le 4 juillet, anniversaire de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Charlie riposta aussitôt en faisant partir un pétard exactement à l'entrée de la tente des dames. Rose, éveillée en sursaut, s'habilla en 10 minutes et vint rejoindre ses cousins déjà prêts à partir. Comme ceux-ci ne devaient faire qu'aller et revenir, l'oncle Alec ne fit aucune difficulté pour permettre à sa nièce de les accompagner. Au départ, Rose envoya un dernier adieu à l'île et à ses habitants d'un air plus grave que ne le comportait la circonstance. Elle avait mûri son projet. Dans sa pensée, c'était un adieu définitif qu'elle adressait à ce séjour enchanteur. Lorsqu'elle aborda au manoir, elle courut à la recherche de Phébé et lui ordonna péremptoirement de laisser là son ouvrage et de s'apprêter à aller dans l'île des Campbell, où l'on avait besoin d'elle. Phébé obéissait les yeux fermés à Mademoiselle Rose, mais il n'en était pas de même de Charlie et d'Archie, et quand Rose leur dit « Partez sans moi, vous viendrez me reprendre quand j'attacherai un mouchoir blanc à mon balcon », Charlie s'écria « Pourquoi ne venez-vous pas tout de suite ?»« Je suis occupé. Voici pour l'oncle Alec une lettre qui lui expliquera tout. »« Nous vous attendrons aussi longtemps qu'il le faudra, » poursuivit Charlie. Et Archie ajouta « Oncle Alec ne sera pas content. »« Faites ce que je vous dis de faire, mes enfants. Je suis sûr que l'oncle Alec m'approuvera, lui. »« Mais... » »« Les petits garçons doivent obéir sans faire de questions. » repartit Rose en se redressant avec tant de dignité que ses cousins en furent abasourdis. « Pourquoi n'aurais-je pas des secrets? Vous en avez bien, » dit-elle comme dernier argument. Archie se laissa convaincre. « C'est sans doute une chose convenue avec l'oncle Alec, » murmura-t-il. « Cela le regarde. Partons puisqu'elle le veut. Phébé, tenez-vous bien. En avant, Charlie !» Grande fut la stupéfaction du camp des Campbell en voyant revenir Phébé à la place de Rose. Tel était le contenu du billet adressé au docteur. « Mon cher oncle, je vais prendre toute la journée la place de Phébé, afin qu'elle voie les feux d'artifice à son aise. Qu'elle s'amuse sans souci de son ouvrage, je m'en charge, dites-le lui bien. Elle voudra s'en aller, je parie, gardez-la de force, et dites à mes cousins que je leur serai aussi reconnaissante de tout ce qu'ils feront pour Phébé que de ce qu'ils auraient fait pour moi. Ne vous imaginez pas que ce soit pour mon agrément que je reste au manoir. Au contraire, cela me coûte beaucoup, mais je me trouverais trop égoïste d'être toujours en fête, tandis que Phébé travaille sans s'arrêter du matin au soir, et je veux faire pour elle ce sacrifice-là. Ne vous y opposez pas, je vous prie, et ne vous moquez pas de moi. Mes amitiés à tout le monde, et pour vous, mon cher oncle, le meilleur baiser de votre petite Rose. » « Le bon petit cœur !» s'écria le docteur. « Je suis très embarrassée, Jessie, que dois-je faire ? Elle se réjouissait tant de voir tirer le feu d'artifice que je m'étonne qu'elle ait eu le courage d'y renoncer et qu'il m'en coûte à moi aussi de la priver de ce plaisir. « Laissez-la libre, » répondit Aunt Jessie. « Il ne faut pas gâter son petit sacrifice. La meilleure manière de reconnaître cet acte d'abnégation, c'est de nous occuper de Phébé et de lui faire passer le plus agréablement possible ce jour de congé, que la pauvre fille a du reste bien mérité. « Vous avez peut-être raison, » dit l'oncle Alec. Si bien que, malgré les protestations de Phébé, qui prétendait qu'elle ne s'amuserait pas le moins du monde sans Mademoiselle Rose, malgré les mines allongées des 7 cousins, le docteur résolut de ne pas intervenir. « Rose n'aura jamais le courage d'aller jusqu'au bout, » dit Charlie. « Nous la reverrons avant 2 heures. » Chacun se rangea à cette opinion. Des lunettes d'approche furent perpétuellement braquées sur la chambre de Rose. Phébé, en particulier, ne quittait pas le télescope. Mais le temps s'écoulait, les heures se passaient, et aucun signal n'apparut au balcon, aucune barque ne ramena la fugitive petite reine au milieu de ses sujets consternés. « J'avoue que je ne l'en aurais pas cru capable, » dit l'oncle Alec à sa belle-sœur. « C'est un grand sacrifice pour elle, et je le lui revaudrai, elle peut en être certaine. » Mais les cousins appréciaient fort peu ce dévouement de Rose qui leur semblait de la pure ingratitude à leur égard. À vrai dire, cette dernière journée de campement fut loin d'être gaie pour personne. Phébé, désolée de priver sa petite maîtresse d'un plaisir pareil, n'avait pas son entrain ordinaire. Elle ne songeait qu'à détacher l'une des barques et à s'échapper. Il fallait constamment veiller sur elle pour l'empêcher de mettre son idée à exécution. Enfin, en l'absence de Rose, tous les jeux languissaient d'une façon étonnante lorsqu'on réfléchit que 3 mois auparavant, les 7 cousins n'éprouvaient nullement le besoin d'avoir une petite fille. « En tout cas, » s'écria Archie pendant le dîner, « Rose ne pourra ne pas voir nos feux d'artifice. »« Qui sait ?» dit Charlie. « Elle est dans le cas de se mettre dans la tête que c'est son devoir de s'enfermer dans un cabinet noir pour ne rien voir du tout. »« Qu'elle le veuille ou non, ajouta Steve, elle manquera le feu d'artifice que papa doit tirer sur la colline et qui sera invisible du manoir. Tout cela sera peut-être bien beau, murmura Phoebé, mais pour moi rien ne compensera l'absence de Mademoiselle Rose. Patience, interrompit l'oncle Alec, tout n'est pas encore dit. Tant que la nuit ne sera pas venue, je ne désespère pas, mais si elle résiste à la première fusée, je lui décerne un brevet d'héroïsme. Pendant ce temps, la bonne petite Rose, qui avait pris sa tâche au sérieux, s'évertuait à faire l'ouvrage de Phoebé, et ce n'était pas sans peine, car la vieille Débby grommelait à tout propos, et les grand-tantes, désolées de voir Rose perdre une partie de plaisir que son oncle avait organisée à son intention, ne cessaient de la tourmenter pour la faire renoncer à cet absurde projet. Il fallait du courage pour résister à la tentation de retourner dans cette île joyeuse. Il en avait fallu plus encore le matin pour la quitter et venir s'enfermer dans une sombre maison quand toute la ville était pavoisée en l'honneur du 4 juillet. Quel contraste entre ce monde extérieur si gai, si bruyant et si enthousiaste, et la cuisine si triste et si noire. En vain la petite fille s'efforçait de penser à autre chose. Des coups de canon, des chants, des cris et des bruits de fête la ramenaient incessamment au sentiment de la réalité. Un seul mot eût suffi pour lui donner sa part légitime de cette joie générale. Mais ce mot, elle ne voulait pas le prononcer. La remplaçante de Phoebé vit son service terminé vers 8 heures du soir. C'est alors qu'elle dut faire appel à toute sa force d'âme. Tant de patience s'était assoupie, tant de prudence recevait quelques visiteuses, et Débby, tranquillement assise sur le pas de la porte, causait avec une voisine. Rose se trouva toute désorientée. Elle monta dans sa chambre, elle s'accouda sur son balcon et regarda la ville s'illuminer fenêtre par fenêtre. Des orchestres faisaient entendre des airs variés et des bateaux ornés de lanternes vénitiennes sillonnaient la baie comme une traînée de lumière. Une première chandelle romaine s'éleva au milieu de l'océan dans la direction de l'île des Campbell. C'était le signal des feux d'artifice. On y répondit de tous les côtés et ce fut un feu roulant de détonations. Les soleils, les feux de Bengale et les étoiles se succédaient sans interruption. Ah, qu'on devait s'amuser dans l'île! Alors, il faut l'avouer, quelques larmes brûlantes arrosèrent les liserons endormis, et une petite tête blonde, penchée sur les capucines, leur confia ses pensées, en soupirant. « Au moins, me regrettent-ils un peu là-bas ? » Mais ce ne fut que l'éclair d'un moment. Rose releva la tête, essuya ses larmes, et s'absorbant dans le bonheur qu'elle avait procuré à sa petite amie, elle s'écria tout haut « Comme Phoebé doit s'amuser, je suis sûre qu'elle n'en peut croire ses yeux. Ah, j'ai eu raison de l'envoyer dans l'île, et ce serait à recommencer que je le ferais encore. » Rose interrompit une voix masculine, celle de l'oncle Mac, père de son cousin Mac, qu'elle supposait occupé en ce moment à montrer à son petit ami Funsy les illuminations de la ville. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Rose. « Vite, vite !» lui dit son oncle. « Jetez quelque chose sur vos épaules et accourez. Je venais chercher Phoebé pour lui faire voir mes feux d'artifice, mais il paraît qu'elle n'est pas là. C'est vous que je trouve, tant pis pour vous. Je vous emmène à sa place. » « Mais, commença Rose, qui tenait à se sacrifier jusqu'au bout, « si Débby. »« je sais, » dit l'oncle Mac. « Personne n'a besoin de vous maintenant, et vous me contrarieriez réellement en me refusant. » Rose se laissa convaincre. « Funsy sera charmé de renouer connaissance avec vous, » dit M. Campbell en traversant le jardin au pas de course. « Comment, Funsy est là aussi ?» s'écria Rose. « Oui, je l'ai pris en passant, et je l'ai laissé très occupé à allumer les dernières lanternes de la barque. Vous trouverez qu'il a fait des progrès depuis notre dernière entrevue. » En effet, Funsy exprima à la petite fille tout le plaisir qu'il avait à la revoir dans un langage mi-anglais, mi-chinois qui la fit rire aux éclats. Somme toute, Rose n'avait perdu que quelques fusées et ce fut pour elle pendant une demi-heure un enchantement perpétuel. Tout à coup, 9 heures sonnèrent à toutes les horloges de la ville. Les habitants de l'île avaient sans doute épuisé leurs munitions, car ils laissèrent sans réponse un magnifique feu de Bengale vert qui, pendant plusieurs minutes, avait donné un aspect fantastique à la colline des tentes. « Voilà la fin !» s'écria Rose en s'enveloppant dans son châle. « Y aurait-il quelque anicroche ?» murmura M. MacCampbell, visiblement désappointé. Mais une étincelle brilla dans le lointain. « Regardez du côté de l'île, regardez vite, Rose !» fit l'oncle Mac. « Eh bien, qu'en pensez-vous » L'étincelle grandit et devint un vase doré. puis des feuilles vertes apparurent au-dessus du vase et une fleur rouge se dessina dans la nuit. « Oh, que c'est joli !» s'écria la petite fille. « C'est une rose, n'est-ce pas ?»« Oui, mais voyez-vous au-dessus, qu'y a-t-il » C'étaient des branches très découpées, terminées par une sorte de boule d'un rouge brun. « Ah, j'y suis !» dit Rose en battant des mains. « Ce sont les chardons d'Écosse, et il y en a 7, un pour chaque garçon. Oh, la jolie idée !»« Oui, mais la rose de feu est pour fêter la venue de notre petite rose à nous !» ajouta l'oncle Mac, presque aussi heureux qu'elle. « C'est mon fils, Mac, qui en a eu l'idée !»« Voilà que c'est fini, quel dommage !» s'écria Rose. Le vase, les chardons, la fleur, son homonyme, tout avait disparu dans la nuit. La barque se trouvait alors si rapprochée de l'île des Campbell que l'odeur de la poudre arrivait jusqu'à ceux qui la montaient et qu'ils pouvaient distinguer dans l'obscurité des formes noires s'agitant sur le rivage. « Faut-il vous déposer là ou vous ramener au manoir ?» demanda l'oncle. Rose n'hésita pas une seconde. « Retournons au manoir, » répondit-elle vivement, malgré un léger serrement de cœur. « Votre bouquet et ma rose étaient superbes, et je vous remercie de tout mon cœur d'être venu me chercher. Je suis sûre que j'en rêverai, » ajouta-t-elle avec un sourire. Et elle s'endormit un peu plus tard, se disant « C'était plus difficile que je ne croyais, mais je ne regrette rien, et je ne désire pas d'autre récompense que le plaisir que j'ai donné à Phébé. »